ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur Radio Béton 93.6. Donc vous êtes bien en train d'écouter Vous êtes libre ce soir, donc l'émission sur le logiciel libre et la culture libre. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui des artistes du label Another Record. Alors ils sont deux à être là. Il y a le gérant, le trésorier, enfin il se présentera du label Another Record, et un musicien donc de The Wending Soundtrack. Alors peut-être que la prononciation c'est pas ça, enfin ils me corrigeront, ils rediront leur nom. Et donc bah, peut-être commencer par une petite présentation. Oui, donc moi c'est Franck, donc trésorier du label associatif Another Record, un label de Tourangeau. Voilà, et donc moi c'est Clément, donc je suis chanteur de The Wedding Soundtrack, et voilà, et parallèlement donc je travaille aussi, enfin j'essaie d'aider un peu le label à se développer. Alors justement, on va un peu parler du label. Vous allez m'expliquer depuis quand il a été créé, et puis un petit peu son fonctionnement rapidement. Je te laisse parler, Franck. Le label, il a quasiment une dizaine d'années, hein, pas loin. Alors bah, les débuts du label, c'était assez simple. Hein. C'était donc il y a effectivement une petite dizaine d'années. Et essentiellement, ce qui était déjà une mauvaise période. Finalement, j'ai l'impression que c'est toujours une mauvaise période pour la musique. Mais le fait est que beaucoup de structures indépendantes qui s'étaient créées, je pense, dans les années 80, mettaient la clé sous la porte à cette époque-là. Donc, un petit groupe de musiciens, on était un petit groupe de musiciens à cette époque, avoir décidé de monter notre propre structure. Et donc, on s'est développé justement à cette période-là en même temps qu'Internet. En France, plus ou moins. Enfin, peut-être j'anticipe sur des questions à venir, mais d'où l'intérêt pour le numérique et après le libre. Et il y avait combien de musiciens au départ, et maintenant il y en a combien? c'est un peu compliqué parce que disons qu'il y avait pas mal de musiciens parce qu'il y avait pas mal de groupes, mais que tous les musiciens de tous les groupes n'étaient pas impliqués dans la structure. Enfin, pas directement. Donc c'est assez compliqué d'évaluer ça parce que impliqué directement dans la structure, voilà, pour faire tourner le label, on est trois, quatre, hein, vraiment. On est trois. Vous êtes surtout deux. Bon, disons que c'est surtout Clément et Dana Elliott, hein, c'est ça, au départ, quoi. Oui, au départ, oui, on était deux aussi. Donc, Vincent, qui faisait partie du groupe Dana Elliott, qui fait partie du label actuellement, mais on continue à proposer ses disques au sein du label. Voilà, puis ça a commencé donc à Poitiers, et puis avec les années, bah, ça a fini par atterrir à Tours. Depuis, le siège social, il est à Tours depuis 4 ans, quoi. D'accord. Et vous avez combien de groupes sous votre label actuellement? Alors, j'ai bien révisé ma leçon hier. Je crois qu'on en a sorti en tout 16. Donc 16 groupes. Faut multiplier par 2 pour le nombre d'albums, à peu près on en est à, je crois, 20, non, plus que par 2 même, on en est à 30, 34, un truc comme ça. Ouais, c'est un ordre d'idée, quoi. Mais ils sont pas tous sous licence libre? Non, alors les deux derniers sont, donc ça tombe mal par rapport à l'émission, ils sont pas sous licence libre. donc on a Misophone, un groupe anglais... qui n'est pas sous licence libre, mais qui est inscrit donc à la SACEM anglaise. Et puis François and the Atlas Mountain, un Français qui lui habite Bristol, mais qui est sous le joug de la SACEM anglaise aussi. Et du coup, ses droits sont délégués par la SACEM anglaise en France. Par contre, bah, les Wedding Soundtrack ici présents, c'était le troisième, enfin avant-dernier CD sorti, qui est bien sous licence Creative Commons. Alors les Wedding Soundtrack, on va bientôt en passer un petit extrait, peut-être que vous voulez nous dire après quel type de musique c'est, dans quel genre ça s'inscrit, et puis peut-être qu'est-ce qui a inspiré sa création, enfin les goûts, quoi. Ouais, je sais pas trop en fait, ça se fait vraiment à l'envie, et alors justement on fait, j'espère une musique, j'en suis assez convaincu, une musique qui est assez variée, d'un morceau à l'autre, parce qu'on a des goûts assez extensibles qui vont grosso modo de du rock grunge qui est un peu nos origines, parce qu'on commence à avancer vers la trentaine et que grosso modo c'est ce qu'on écoutait quand on avait 10-11 ans, à de la pop un peu à la Elliott Smith et à des musiques un peu plus construites aussi. Mince, le nom m'échappe là. Silver Mount Zion ou des choses comme ça, ou Arcade Fire où il y a des orchestrations un peu moins basiques rock'n'roll qui nous plaisent et qu'on essaie pas de reproduire, mais en tout cas dont on essaie de s'inspirer. Ok, alors on va s'en écouter un petit morceau. En fait, je vais te laisser le présenter, ce morceau. Je crois que c'est le dernier album, c'est ça? Oui. Et je connais même pas le titre du morceau, alors c'est toi qui vas le faire. Ok, bah donc c'est un morceau qui s'appelle Disco Folk, donc là pour le coup, niveau genre, tout est dans le titre. Okay. Donc c'est une tentative de croisement. Et bah Disco Folk, c'est parti. C'était Disco Folk du groupe The Winning Soundtrack sous licence Creative Commons by NCND. Alors en discutant un peu avec vous, on s'est rendu compte que ce groupe Winning Soundtrack s'était monté un petit peu bout à bout, personne par personne. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bah, effectivement, ça s'est construit petit à petit, donc c'était pas du tout réfléchi pour être un groupe au départ. Donc c'était juste quelque chose que je faisais à côté d'un autre groupe dans lequel j'étais guitariste. Et il s'est trouvé que du coup j'ai quand même fait un album. Donc le premier qui était assez rapide, enfin assez sommaire, mais finalement qui est pas si mal. Mais c'est pas en tout cas ce dont je suis le plus fier, très honnêtement. Et du coup après j'ai quand même fait un concert, et à la fin de ce concert j'ai rencontré donc un premier musicien qui était assez enthousiaste, donc on a commencé à jouer ensemble. Donc c'était Simon qui jouait donc du violon dans un autre groupe qui était à cette époque là sur le label, qui a quitté le label depuis, et que Simon a quitté depuis aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements. C'est un groupe qui s'appelle Luis Francesco Arena, qui jouait d'ailleurs à Tours avant-hier, enfin je sais pas quand est-ce qu'on est diffusé, mais avant-hier du jour où on enregistre avec Vendavia. mais donc dans lequel de toute façon Simon joue plus. Enfin bref, ça reste des amis. Et donc, voilà, on a continué quelques années, quelques temps quand même. On a continué quelques temps à jouer que tous les deux avec Simon, puis on a enregistré donc le deuxième album Poland ensemble. Et Mathilde a commencé déjà à participer un petit peu à l'enregistrement de Poland, mais essentiellement pour faire du chant. Et quand on a commencé à tourner pour promouvoir ce deuxième album, donc Mathilde s'est mise à la batterie. Voilà, et la dernière pièce du puzzle, pour autant qu'il soit complet, c'est Vivien, donc, qu'on a rencontré à l'occasion d'un concert commun à Tours, au Joulin, hein, où il jouait à l'époque donc son dernier concert avec un groupe qui s'appelait Via Dubaï. Et donc on s'est bien entendu et il se trouvait que ça faisait quelques fois qu'on me disait « Tiens, ce serait bien qu'il y ait de la basse quand même dans votre groupe. » Voilà quoi, donc ça s'est fait comme ça. Ils ont trouvé le meilleur bassiste du monde. Et ensuite, si on vous a invité ici, c'est que vous diffusez vos créations sous licence libre. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à choisir une licence Creative Commons ? Alors, c'est quelque chose d'un peu... Donc, qui est lié aussi au début du label et au fait que... Donc, au début, comme on était une petite association essentiellement d'étudiants qui donc, par essence, n'avait pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, on a décidé de se lancer à fond sur Internet à l'époque, parce qu'il y en avait au moins un qui savait faire fonctionner un ordinateur dans la bande, qui n'était pas moi. Hein. Je fais des études de lettres. Hein. Donc, le traitement de texte, après, au-delà... Ça me dépasse un peu. Mais bref, donc on s'est lancé là-dedans. Et donc, à l'époque, il s'est trouvé que la SACEM avait encore une politique extrêmement agressive vis-à-vis des musiciens, de la diffusion de la musique. Maintenant, ça s'est un petit peu détendu, j'ai l'impression. Mais encore que du fait que j'ai aucun contact avec, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression que c'est un poil détendu de ce côté-là quand même. Mais à l'époque, il y a eu une... Enfin, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes... Qui se sont fait interdire de diffuser leur propre musique sur internet, des choses totalement aberrantes. C'était aussi l'époque où on voyait des procès qui avaient lieu et des gens qui se retrouvaient avec des ennuis à n'en plus finir et des amendes pharaoniques pour avoir téléchargé 3 malheureux MP3. Donc, il s'est trouvé que, enfin, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la plupart des gens. Du label à cette époque-là, on voulait surtout ne rien avoir à faire avec ça. Surtout pas porter la responsabilité de voir des gens embêtés, avoir des soucis, parce qu'ils avaient eu le malheur de vouloir écouter ce qu'on avait mis à disposition sur Internet. Alors on reviendra sur ces questions de licence et de choix pour essayer justement de diffuser un maximum et d'être le plus entendu, le plus librement possible. Juste une dernière question en vitesse parce qu'on ne doit plus avoir beaucoup de temps. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir en concert ces temps-ci ? Alors, c'est pas prévu tout de suite. Bon, par contre, on va sans doute rejouer dans la région bientôt. Là, on vient d'être sélectionné par le Château d'Eau. Pour un dispositif d'accompagnement, donc ça devrait nous aider un petit peu à nous organiser. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de dates l'an dernier, là on va peut-être reprendre le temps de retravailler un peu ensemble avant de se relancer à fond dans des concerts. Mais dès qu'on le fera, on repassera partout en tout cas. Ok, bah on sera là pour vous écouter alors, j'espère, je pense. Pour en finir, je vais vous dire au revoir, enfin si vous avez un dernier mot à ajouter, je sais pas. Non, rien de spécial. À la semaine prochaine.